Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien, c'est ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et la forêt. On va parler du club de golf de Saint-Prime avec le président Rémi Curtinus, puisque la plupart des clubs de golf, avec le beau temps des derniers jours et de la dernière semaine, fait en sorte qu'on va ouvrir aujourd'hui. On en parle avec Rémi Curtinus. Salut Rémi! Rémi, si on y allait maintenant avec... j'imagine que du côté du club de golf de Saint-Prime, on est très heureux d'ouvrir un mois en retard comparativement à l'année passée. Oui, à peu près deux semaines okay. Et demi finalement en retard, parce que l'année passée, on avait ouvert le 17 avril, si ma mémoire est okay. Bonne. Mais regardons les choses positivement. On ouvre ce matin, dans notre cas, on a fait la corvée hier. Et je peux déjà assurer nos membres puis nos invités que le terrain est super beau. Les verts sont magnifiques cette année. C'est assez rare que ça sorte beau comme okay. Ça. Puis le terrain est relativement sec pour la période, là. Alors, on accueille nos membres et les premiers golfeurs. OK. Est-ce que ça va avoir un impact sur la campagne de membres? Parce qu'on dit tout le temps que quand ça commence de bonne heure, que ça a un impact sur le restant de l'année. Là, l'année passée, j'ai commencé très tôt. Même de ça, certains trouvaient ça exagéré un peu. Là, vous commencez un mois en retard. Ça va-t-il avoir un impact sur votre campagne de membres? Je ne sais pas. On va voir ça un okay. Peu plus tard. Mais c'est sûr que nous autres, l'année passée, on a eu, je dirais, là, compte tenu que le club n'a pas ouais. De fermer ses portes, on a eu un mouvement d'empathie de la part de certains membres. Là. Plusieurs m'ont dit qu'ils rentraient membres, même si... ils jouaient pas le nombre de parties qui leur permettaient de rentrer dans leur argent. Okay. Mais c'était pour encourager le club. On est le seul club en région l'année passée qui a connu une hausse de son membership, là, de ses membres. Alors, je m'attends à ce qu'on ait encore un bon support du milieu, puis de la population, puis de nos membres, mais on va savoir ça dans les prochains jours. OK. Aussi, j'imagine aussi que il y a eu en janvier, il y a eu l'Assemblée générale. Et un peu pour revenir sur l'année 2015, vous avez fait un peu le tour de ce qui s'est passé. Puis ça a été une année quand même, malgré que la fierté est revenue, c'était une année difficile au niveau financement. Et ça n'a rien à voir avec le club. C'est la température et vous êtes très, très tributaire à la température. Oui, à peu près comme tous les clubs en ouais. Région, là, Dame Nature n'a pas été très collaboratrice l'année passée, là, particulièrement dans les mois de haute saison qu'on appelle nous autres là, juillet et août. Mais effectivement, ça a été assez ordinaire sur le plan des résultats financiers. On a fait un déficit de près de 36 000 $, là, 35 827 si ma mémoire est bonne. Mais ça a été une année extraordinaire au niveau des activités golf, nous. Tantôt, je te disais la hausse du nombre de membres, mais on a eu l'année passée des participations records à des tournois, okay. aux tournois membres-non-membres. On a eu le Mega Weekend Golf avec le Swing Game, le tournoi des clubs de sport. Non, pardon, on a eu réellement une belle saison. OK. Si on y allait maintenant avec ce qui s'en vient pour la prochaine année. Bon, d'abord, le club de golf de Saint-Prime, l'année passée, je me rappelle, j'ai organisé une grosse exposition. Et est-ce que ça revient? Puis ça avait été très payant. Est-ce que ça revient cette année, ça? C'est l'événement Regard vers oui. Le Nord. En fait, oui, c'est organisé conjointement avec la municipalité de Saint-Prime. Mais cette année, on a une petite différence. C'est la municipalité qui organise tout okay. L'événement. Et nous, on va recevoir le tournoi de golf là, de ces gens-là. Alors, c'est la petite différence cette année, mais on s'attend à recevoir, je pense, là au-delà de 170 joueurs ou certainement là, 144 joueurs parce que c'est la capacité maximale de notre terrain pour 18 trous. Alors, on nous a promis que ça serait, si on n'atteignait pas le nombre, on serait très... OK. Il va-t-il y avoir des nouveautés maintenant encore cette année? Ben, on a justement aujourd'hui une réunion du conseil d'administration pour confirmer plein d'affaires. Là. Il y a le retour du Mega Weekend. Ah oui, ça c'est avec Pierre-Alexandre Bédard, Kevin Fortin-Simard, puis ainsi de suite. Je me sais ça? Oui, effectivement. Puis le concours de drive, là, de coup de départ avec le tournoi des équipes de sport. Alors, on a ça cette année. On a aussi plusieurs tournois sociaux qui se sont greffés. On a des nouveautés cette année dans le sens que plusieurs organismes organisent des tournois sociaux. Donc, ça va rendre le terrain un peu moins disponible, mais ça va être très payant. OK. Ouais, est-ce que ça passe par là, justement? Parce que moi, je me rappelle que, bon, les clubs de golf et les clubs de curling, ça se compare pas mal. Beaucoup de difficultés. À Dolboom, c'est le club de curling a eu de la misère. On a même pensé à un moment donné qu'elle allait fermer. Puis, une des solutions c'est qui avait été envisagée, c'est d'approcher des différents clubs sociaux, justement, pour qu'ils tiennent leurs activités et ainsi de suite. Est-ce que ça, à Saint-Prime, est-ce que c'est vraiment... j'imagine qu'on a développé ça, mais est-ce qu'il reste encore de la place à développer? Ah ben, nous autres, on souhaiterait avoir un locataire de notre bâtisse. OK, oui, oh, c'est ça. On fait beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir du financement en hiver, parce que, comme tu le sais, Danny, là, on a des frais fixes à payer. Alors, il n'y a pas de rentrée d'argent en hiver. Si on pouvait avoir un locataire, ça ferait bien notre bonheur. Puis, nous, on s'est beaucoup concentrés à développer notre plan de visibilité. D'ailleurs, notre plan de visibilité a connu beaucoup de succès l'année passée. À preuve, c'est qu'on a presque 75% de nos commanditaires et de nos partenaires financiers qui ont signé une entente de 5 ans. Alors, c'est du renouvellement quasi systématique. Ça nous commande pas mal moins d'efforts. Puis, la recherche de financement... C'est ça que les gens dans un conseil d'administration trouvent le plus difficile. Alors, cette année, on devrait avoir dans notre plan de visibilité, dans notre campagne de financement, à peu près les mêmes résultats que l'année passée. Et en plus, on va avoir le tournoi bénéfice, le retour du tournoi bénéfice là, au mois d'août avec un président d'honneur qu'on est en démarche et qu'on devrait annoncer très prochainement. Alors, on est là-dedans. On essaye, bien sûr, là, d'arriver avec l'équilibre budgétaire, mais un gros dossier qu'on a cette année... C'est toute la construction ou la reconfiguration du parcours, parce que tu sais qu'on a commencé à vendre les terrains en bordure du lac. On a 18 terrains à vendre. On en a 6 au moment où on se parle de vendu. Et là, il faut reconfigurer le terrain en vue de réaménager tout ça. On va recevoir le championnat provincial junior 2019. Ouais. Alors, on a déjà commencé ces travaux-là. C'est assez majeur comme travaux. Mais en même temps, même si c'est difficile, c'est un projet qui est très stimulant. Parlons-en de ce championnat du golf junior 2017. C'est majeur pour Saint-Prime. Mais moi, j'ai ouï dire que ça se bouscule pas aux portes pour obtenir ce championnat-là. Est-ce que c'est une si bonne chose que ça pour le club de golf? Parce que ça. C'est 150 joueurs, là, toutes catégories confondues, là, de Atom, puis oui, jusqu'à Junior. Ça amène beaucoup de retombées économiques pour le milieu, mais surtout, et c'est la raison pour laquelle Saint-Prime sur le lac Saint-Jean est disposé à l'organiser, ça amène une visibilité au club. Et nous, dans nos pourparlers avec Golf Québec, on a dit qu'on était disposé à l'organiser, mais qu'avec la reconfiguration du terrain, puis vous savez qu'on agrandit le terrain à 6750 verres, c'est dans la perspective de recevoir un championnat professionnel québécois. Alors, on nous a dit, réussissez à organiser cet événement-là, en parlant du championnat junior québécois, puis il n'est pas exclu que le club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean reçoive les professionnels à un autre moment. Alors, c'est dans cette perspective-là qu'on le fait, puis ça donne énormément de visibilité puis de crédibilité. OK. Est-ce que du côté de ce championnat provincial, professionnel québécois, est-ce que ça vient, est-ce qu'il y a des rondes qui se jouent en région ou c'est strictement dans la région de Montréal? Il y en a beaucoup plus dans la région Montréal, mais effectivement, ils peuvent avoir des ronds dans la région. Je me souviens qu'il y a eu un tournoi là, il y a quelques années à Napier, où ça a connu un succès assez retentissant. Puis nous, à Saint-Prime, on ne veut pas faire les choses à moitié. Si on le fait, c'est parce qu'on a la garantie qu'on va en faire. OK. Je veux te parler de la sauveté. Le club est maintenant sauvé. C'est annoncé au mois de mars. Évidemment, avec mon absence, mes petits problèmes de santé, on en a perdu des bouts. J'étais pas là au moment où ça s'est passé. Mais ça a été une bonne nouvelle. Hein. Puis ça a été long comme projet. Ça a été plus long que prévu pour le club de golf de Saint-Prime. Oui, tu as raison. Je pense que force est de constater que quand on fait affaire avec une municipalité puis un gouvernement, c'est un peu plus long. C'est pas négatif ce que je dis, là. C'est des processus qui sont plus lents. Mais on a reçu les certificats d'autorisation là, du ministère de l'Environnement et du ministère des Affaires municipales au mois de mars, presque à la fin mars. Alors, effectivement, le club, maintenant, est officiellement sauvé. Nous, on a pu enclencher, parce qu'on avait des sérieux problèmes de liquidité, on a pu enclencher la vente des terrains. Alors, au moment où on se parle sur le plan financier, c'est beaucoup mieux, pas mal moins stressant. Et là, on se concentre sur la reconfiguration du terrain puis la gestion de notre club. C'est beaucoup moins difficile que les années passées où on devait continuellement être à la recherche de... OK, on va parler en terminant de... Parce qu'on sait qu'on fait trois chroniques, une de Dolbeau, une de Saint-Prime, puis une de Chibougamau. Puis on a commencé avec la chronique du club de golf de Dolbeau-Missisigny, puis on me dit à Dolbeau-Missisigny qu'il y a des pourparlers très sérieux avec Saint-Prime pour avoir organisé une synergie davantage. Puis de la manière qu'il me parlait, c'est que c'est à Saint-Prime que la réponse et la balle étaient dans votre camp. Maintenant, est-ce que tu peux me confirmer que ça avance, ce dossier-là, puis qu'il y aura de plus en plus une synergie entre Dolbeau et Saint-Prime? Oui, effectivement. C'est justement à l'ordre du jour de notre réunion aujourd'hui, là, le projet de partenariat, que je vais dire, là, pour produire de la synergie entre Dolbeau et Saint-Prime sur le lac Saint-Jean. En fait, ce qu'on souhaite, c'est augmenter l'achalandage dans les deux clubs. C'est beaucoup plus rentable comme ça. Puis, on veut aussi organiser une certaine synergie entre les membres, là, participation à des tournois à Dolbeau, participation à des tournois à Saint-Prime. Alors oui, on a, je pense, une bonne approche avec Dolbeau. Puis nous, on fait exactement la même affaire avec Chibougamau et avec le club de golf de la Tuque. OK. Ben, c'est le début des chroniques, Rémi. Évidemment, c'est au club de golf de Saint-Prime. Donc, ce qui veut donc dire qu'on va être là toutes les semaines, soit avec toi ou encore avec Gilles Larouche. Puis ça va me faire plaisir, évidemment. C'est pas mal le fun de travailler avec des gens qui sont dynamiques. Ben, c'est toujours agréable de faire des entrevues avec toi, Danny. Voilà, donc c'était le président du club de golf de Saint-Prime, Rémi Curtin.